Le livre des juges. En nous approchant du livre des juges, nous devrions avoir à l'esprit l'une de ces feuilles médicales où les infirmières inscrivent la température et la tension artérielle des malades. Effectivement, l'Ancien Testament analyse de façon réaliste la température de la vie spirituelle en Israël. Lorsque ce peuple sortit d'Égypte, sa foi allait grandissant, car il vivait près de son Dieu. Aussi, sa vie spirituelle marquait-elle une marche ascendante. Mais très vite, la courbe graphique redescendit. Adoration du veau d'or, murmure dans le désert, incrédulité. Puis, après 40 ans, nouvelle marche ascendante, la traversée du Jourdain et la conquête de Canaan. Cependant, sur notre diagramme, tous ces événements ne couvriraient qu'une très modeste partie, puisqu'ils concernent deux générations, environ 80 ans. L'essentiel du graphique montrerait ensuite une longue courbe descendante couvrant plus de 10 générations, 450 ans environ, si l'on se reporte à la déclaration de l'apôtre Paul à ce sujet, livre des Actes, chapitre 13, versets 19 et 20. Le livre des juges dépeint donc plus de 4 siècles de désobéissance, d'oubli de Dieu, d'apostasie. 4 siècles où, en dépit de quelques inflexions sur la courbe du graphique, la marche descendante se confirma et la vie spirituelle sombra dans l'indifférence. Dans les consignes laissées au peuple d'Israël par Moïse, puis par Josué, les ordres de Dieu étaient absolus. Ils ne devaient pas faire de sentimentalité et ne tolérer aucune concession, mais il fallait qu'ils exterminent les Cananéens habitant le pays. Et pourquoi cet absolu et cette absence de pitié? Pourquoi Dieu, qui est un Dieu d'amour, tolère-t-il dans l'Ancien Testament le massacre de populations entières? Et pourquoi ordonne-t-il parfois à ses serviteurs d'accomplir des actes de cruauté pour exécuter sa volonté? Ces questions reflètent la préoccupation de beaucoup de lecteurs de la Bible. Je vais essayer d'y répondre. Dieu voulait que son peuple l'adore lui seul. Or, la présence des Cananéens aux côtés des Israélites aurait été une menace directe sur leur vie spirituelle, car ils auraient entraîné Israël dans l'idolâtrie. C'est donc, premièrement, pour protéger son peuple, afin qu'il ne soit pas tenté par la pratique d'un culte concurrentiel, que Dieu voulait que les habitants du pays soient chassés. Mais enfin, Dieu n'aurait-il pas pu protéger Israël de l'idolâtrie sans ordonner l'extermination des Cananéens? Bien sûr, puisque Dieu n'est pas limité dans ses moyens. Mais il est une autre raison, plus importante encore, qui motivait l'absolu des consignes divines. Le livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, nous dit que les nations habitant la Palestine pratiquaient l'astrologie, la magie, le spiritisme, l'occultisme sous différentes formes. Et Dieu avait déclaré « Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Les Cananéens s'étaient livrés à une pratique généralisée des sciences strictement défendues par Dieu. Lorsque les hommes se livrent à l'occultisme, ils s'ouvrent aux puissances du sous-monde, ce qui entraîne immanquablement un jugement divin. Il fallait donc que les Cananéens soient jugés. Les armées de Josué n'étaient en fait que l'instrument de Dieu pour extirper le mal à sa racine. Cette épuration était si importante que Dieu l'avait prévue dès le livre de la Genèse, dans sa révélation prophétique à Abraham, lorsqu'il lui dit « À la 4e génération, tes descendants reviendront ici. » Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Genèse, chapitre 15, verset 16. L'iniquité des Amoréens n'avait pas encore atteint sa cote maximale. C'est lorsqu'ils se sont livrés aux pratiques occultes que la coupe a débordé et qu'il a fallu que Dieu sévisse. Beaucoup de gens croient aujourd'hui aux prédictions des astrologues ou s'adonnent aux pratiques occultes. Pensez-vous vraiment que Dieu va les juger pour cela? Certainement, car on ne se livre jamais impunément à Satan, l'ennemi des âmes. Lorsque l'homme se livre consciemment aux puissances du sous-monde, son esprit est spirituellement flétri et sa conscience s'endurcit. Les différentes formes d'occultisme ou de magie polluent les âmes et les plongent dans une obscurité spirituelle qui va jusqu'à empêcher le contact avec Dieu. Il arrive même qu'elles ne peuvent plus croire en Dieu et en sa délivrance. Le Seigneur fait pourtant une différence entre ceux qui participent volontairement à ce qu'il interdit formellement et les innombrables victimes qui ont touché à ces choses inconsciemment ou par ignorance. Et j'affirme avec conviction, mettant le doigt sur les promesses de l'Écriture, qu'il est une délivrance possible pour tous, par la puissance du nom de Jésus et en vertu de son sang qui a coulé à la croix pour désarmer l'adversaire. La Bible dit « Le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14. Si donc on invoque la purification du sang de Jésus-Christ sur une personne qui a touché au spiritisme, vous pensez qu'elle peut en être totalement dégagée? Absolument. Pour tous les cas, il y a espoir en Christ et délivrance possible dans le nom de Jésus-Christ. Il est toutefois une triple condition à remplir: reconnaître son égarement, vouloir la délivrance et abandonner résolument les pratiques que Dieu réprouve. Alors, toute libération devient possible en Jésus-Christ. L'Écriture déclare « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 8. « Si vous confessez à Dieu votre désobéissance ou votre erreur, il vous purifiera par la vertu du sang de Christ et il vous délivrera de la domination de Satan par la puissance du nom de Jésus. » Car Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Je pense qu'on pourrait s'étendre longuement sur cette question importante, mais revenons maintenant au livre des juges. Tous ces chapitres sont donc marqués par le déclin, la désobéissance à Dieu et l'apostasie. Au premier chapitre, nous lisons 6 fois au sujet des fils d'Israël, « Ils ne chassèrent point les habitants du pays ». Au deuxième chapitre, Dieu leur envoie encore l'un de ses serviteurs. Il y a ressaisissement, mais un ressaisissement qui n'est que passager. Dès le chapitre 3, le texte sacré s'arrête sur 7 différentes périodes d'affliction et le même cycle se répète. Les Israélites sont asservis à des nations puissantes et cruelles qui occupent le pays. Alors, dans leur extrémité, ils crient à l'Éternel qui leur suscite des libérateurs. C'est ainsi qu'il leur envoie successivement 14 juges pour les délivrer. Citons-en quelques-uns. Othniel, le neveu de Caleb, qui secoue le joug de la domination du roi de Mésopotamie. Éhud, qui s'attaque au roi de Moab, juge chapitre 3. La prophétesse Déborah, qui accompagne Barak, le chef de l'armée d'Israël, contre les Cananéens, juge chapitre 4 et 5. Gédéon, qui, avec 300 hommes seulement, bat les Madianites, juge chapitre 6 à 8. Jephté, qui va combattre les fils d'Ammon, juge chapitre 11 et 12. Enfin, Samson, juge chapitre 13 à 16, qui s'attaque aux Philistins. La fin du livre des juges, chapitre 17 à 21, raconte successivement une expédition militaire de la tribu de Dan et une guerre civile qui anéantit presque la tribu de Benjamin. Suite à ces tragiques événements, la dernière phrase de ce livre analyse son ensemble. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Lorsqu'il y a absence d'autorité, chacun agit selon son idée, et l'anarchie entraîne la désagrégation de la société. Aujourd'hui encore, l'on constate trop souvent que chacun fait ce qui lui semble bon. Le désordre règne, le principe de l'autorité est contesté, l'anarchie est à l'ordre du jour, et même dans l'Église chrétienne, chacun veut commander et personne ne veut obéir. Cependant, dans ce contexte de déclin et de désagrégation morale, Dieu cherche encore des hommes capables de remonter le courant, de relever le défi et de ramener les populations au Dieu de la Bible. En fait, quelles sont les qualités requises pour être employé par Dieu? Dieu a employé des savants comme des ignorants, des généraux puissants comme des enfants. Dieu ne regarde pas avant tout aux capacités, mais aux dispositions de cœur. Ici, le livre des Juges est particulièrement encourageant, car il démontre ce que l'apôtre Paul a déclaré plus tard au premier chapitre de sa première épître aux Corinthiens. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 27 à 29. À titre d'exemple, revenons aux juges que Dieu a choisis dans cette période de l'Ancien Testament. Certains de ces hommes n'étaient rien, n'avaient rien. Ils étaient méprisés ou faibles, mais Dieu les a employés. Éhud ne se servait pas de la main droite. Déborah et Jaël étaient deux femmes que les chefs militaires de l'époque auraient méprisées. Elles jouèrent cependant un rôle déterminant dans le combat contre Canaan. Gédéon était le plus petit de sa famille et le plus pauvre dans la tribu de Manassé. Jephté était considéré comme un bâtard et il était au banc de la société. Et Samson n'avait entre ses mains qu'une mâchoire d'âne pour tuer 1000 Philistins. Aujourd'hui, Dieu peut vous employer, vous aussi, pour combattre le mal et l'impiété et témoigner pour Dieu face à l'anarchie contemporaine. Que la lecture du livre des Juges vous encourage et vous inspire à votre tour.